cesse. Les soucis sous haze ou sous 16 boys. Quitte un peu les murs de la thèse, manipulez pour que ça cesse. Qui sont les voyous, c'est pas mes bad boys. Mais Babylone vient pas test, oui cousin pour que ça cesse. Beau revers de veste, on en a ras le bol. Chef d'état ou chef d'orchestre, mais tout ça faut que ça cesse. Que ça cesse boy. Comme la peste, boy. Yeah. Dans cette vie, ma haine arrive à saturation. J'ai pas eu ma ration, mais pourtant je dois payer l'addition génération. Je veux des thunes et des boniches comme Clara. On a des Adélaïdes qu'on passe partout. J'avais des cars là, nous sépare là. Mais c'est par ici, parti fine barres. Ils s'introppent leur paradis quand mes gars chutent comme Medibala. Donc la hagra, on leur fera en silence. Celui-ci est dehors afin d'éviter la pénitence. L'indifférence, passons contre l'intolérance. Ici de façon, ils paieront la rançon. Leur programme, on connaît la chanson. Alors dansons sur la tombe du système et c'est parti. Pas vu, pas pris. C'est le sommet de l'État qui nous l'a appris. Vive la patrie. Demande à Jacques si les valises en Souma étaient pleines ou vides. Plein de vie sans secrète. Demande à Coma pour leur Thomas. Un doigt vers le ciel, pas le pouce ni l'index. Juste le majeur et un coup de pouce histoire de faire la haine. Ça cesse. Les soucis sous haze ou sous 16 boys. Quitte un peu les murs de la thèse. Manipulez pour que ça cesse. Qui sont les voyous, c'est pas mes bad boys. Mais Babylone vient pas test. Oui, cousin, faut que ça cesse. Beau revers de veste, on en a ras le bol. Chef d'État ou chef d'orchestre, mais tout ça faut que ça cesse. Que ça cesse, boy. Filé comme la peste, boy. Mais leur jeu n'est que brouiller les pistes. Je n'ai suivi que la route de la France des utopistes. Je vois que le chef d'État n'est pas plus futé qu'un pompiste. Et ne fait que mettre nos appels à l'aide sur blacklist. Mais veut qu'on paye le RIFTA, on pourraille la LISPO. Des vergondosistas comme dans les clips à Cisco. Un peu de paille la vie que je mène, c'est pas le Cosby Show. Ça ne peut finir qu'en guerre civile, mais comme à Crenshaw. Ils ont pris des retraites grâce aux emplois dissimulés. Moi je n'écoute plus les disquettes qu'ils veulent nous voir assimiler. Avorter nos idées, nos beaux serres les vider. Faire échouer nos projets, voir nos ambitions les brider. Quand la crise fait grimper le taux de tendance suicidaire. Cité ou pas du ghetto, les sanctions seront similaires. Quand leur parachute doré pleuve comme un écoute de fouet sur Gorée. Bordé qu'on manipule, nous on se fait goumer. Non mais tout ça faut que ça cesse. Les soucis sous haze ou sous 16 boys. Quitte un peu les murs de la thèse. Manipulez faut que ça cesse. Qui sont les voyous, c'est pas mes bad boys. Mais Babylone vient pas test. Oui cousin faut que ça cesse. Beau revers de veste, on en a ras le bol. Chef d'État ou chef d'orchestre, mais tout ça faut que ça cesse. Que ça cesse, boy. C'est le même scénar depuis que je suis type. Je vois que des politiques sous les parapluies dès qu'il pleut. Nos vies un périple et on y fait ce qu'on peut. Moi je fais de la zik en pensée par soi-même en devient coûteux. Mais faut que ça cesse. C'est le même scénar depuis que je suis type. Je vois que des politiques sous les parapluies dès qu'il pleut. Nos vies un périple et on y fait ce qu'on peut. Moi je fais de la zik en pensée par soi-même en devient coûteux. Faut que ça cesse. Les soucis sous haze ou sous 16 boys. Quitte un peu les murs de la thèse. Manipulez faut que ça cesse. Qui sont les voyous, c'est pas mes bad boys. Mais Babylone vient pas test. Oui cousin faut que ça cesse. Beau revers de veste, on en a ras le bol. Chef d'état ou chef d'orchestre, mais tout ça faut que ça cesse. Que ça cesse, boy.